C'est sûr que si je me ferme les yeux, puis je me mets à penser à... Puis là, je vois le gars dans son habit de hockey. Laisse-toi un petit œil ouvert quand même. Là. Ouais, mais tu sais, j'essaie de penser un peu à Josh Georges. Il enlève son équipement de hockey. Puis son chum, il dit... Chérie. Garde tes épaules. J'aimerais ça qu'à soir, quand tu vas me... quand tu vas me palanter par en arrière, j'aimerais ça que tu gardes... Tu sais que tu te mettes un ton casque, tu te mets un peu de maquillage noir sur dedans pour monter, comme si il t'en manquait une. Là, tu rentres dans la chambre puis tu droppes les gants. Ouais. Là, tu rentres, t'es habillé en joueur de hockey, t'as tout sauf ton coq, puis là, tu te rentres dans la chambre, tu droppes les gants, puis tu me fonces dedans. Ça m'écœure. Le tour du chapeau. Tu me fais un cross-check. Ouais. Puis là, tu me fais le tour du chapeau. Ouais. Tu me la mets dans le top net. Ouais, finalement, ça ne nous intéresse pas, mais on est en train de fabuler un peu. Je te jure, il n'y aura pas d'enjeu. mais il serait pas bi, l'histoire, c'était pas ça. Ah, il serait bi, même. Bon. Mais il y a des blondes aussi, ou je sais pas trop. Là. Ouais, mais je pense que les homosexuels, d'après moi, sont tous bi. Là. Un peu de misère à quoi. Mais il y en a beaucoup qui jouent fée-fille. Ah non, moi, si je regarde une fille, ça me tape absolument rien. Là. En passant, by the way, l'Infinity est en troisième position. Troisième position. En troisième position. Mon nom, c'est Georges. Je travaille avec la fille Apolline. Et je porte des bottes lunaires. Je mesure 6 et 5. Je mets 105 livres. Je suis tout en mort. Habillé chez les chalotes. Mais tout nu me dire de quoi j'en ai une langue. Hey, mais... Mais ça nous intéresse pas du tout. Non. Mais d'ailleurs, on peut rien savoir de tout ça. C'est pas une nouvelle, ça. C'est pas un sujet, ça. Mais on sait que Georges y porte. Qu'est-ce qu'il faut une nouvelle quand il s'achète une maison, mais qu'il change de char? Imagine quand c'est là. Chérie, j'aimerais ça que tu me masturbes avec ton gant de hockey qui sent le cuir mouillé. Oui. Écoute, on a eu une série complète, le condo de la pierre. Ouvre tes yeux, OK? Garde tes yeux. Si je t'endors un peu, là, shake-toi un peu. Faut plus que ça ferme à matin. Là. Hey. Oh. Garde ton gant, OK. Mais ça nous intéresse pas du tout. Non. Mais t'as un point, c'est ça. On a eu une série complète sur les rénovations de la maison à la pierre. Bébé, fais-moi plaisir. Oui. Mets tes culottes bleues quand vous mettez ça à la route. Mets juste tes culottes. Puis mets des talons hauts. Mets des talons hauts, tes culottes. Puis peut-être ton casque. As-tu encore les bas barrés, là? Y a-tu une visière, lui? Oui, une visière. Ouais. Enlève ta visière. Enlève ta visière, parce que mec, t'arrives, moi, tu lèches, parce que tu es partout. Je m'ennuie de toi. Je m'ennuie de toi. Pour venir quand même. Chérie, je t'ennuie tellement de toi, là. Ça n'a pas de sens. On ferait peut-être un saut de voir son chum. As-tu encore ton kit vintage de barbier? Oui. Imagine s'il joue d'une autre équipe. Son chum est à Boston. Il vient d'être échangé. Hey, bébé, je t'ai fait une surprise. Non, mais ça va mal aller, il va être échangé dans l'Ouest. Mais que t'arrives à la maison, j'ai un de mes amis de Boston qui est en ville, il a amené son chandail des Bruins, on va faire une affaire à trois, ça te tend dessus. 5 contre 3. Un avantage numérique. Ouais, c'est ça. Un power play. On est pas ouvert, hein? Ouais, ben on va partir sur ça bientôt, là. Finalement, ça me dérange pas du tout. Non, ça nous intéresse même pas. Oh. On a un petit blocage quand même, hein? On fait semblant que ça nous dérange pas. Ah ouais, c'est moi au début. Ça change rien. Rien. Quand j'ai fermé mes yeux, ça a tout changé. Ça fait une heure qu'on râle. Ouch! You shoot his score. Mais là, c'est quoi? Y aurait-tu un conjoint, là? Un con? C'est pas la nouvelle. As-tu trouvé, toi, cette nouvelle-là, Dom? Comme de quoi qu'il y avait quelqu'un? Hier, je sais pas s'il y a un chum, par exemple. Parce que là, on connaît l'orientation. Ouais, c'est ça. Mais a-t-il un amoureux? Ça serait Carey Price. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est ça! Non, mais t'as dit que Carey est nerveux quand il va virer en arrière du net. Oui! Carey, là, c'est... joueur brun chez le Canadien. Ouais. Peut-être que Carey a besoin de boules chinoises pour performer. Ça prendrait. Avec des gros lots. Ouais. Le réveiller. Quand tu vas à la toilette, Carrie, oublie pas de les enlever, par exemple. Ça se salit, cette affaire-là. C'est glissant. Puis là, si c'est pas vrai, c'est pas vrai, ça. Parce que là, je fouille des photos de Josh Georges, puis j'en ai qui sont pas très concordantes, là. Ouais, c'est des glisseurs. Ben là, j'en ai une, il était avec une fille qui a le vin d'une boule. Il y a une maudite belle, oui. C'est un bon cover. C'est peut-être pas lui, là. C'est la rumeur d'hier, c'est que ça va être lui, là. OK. Mais c'est peut-être pas lui non plus, là. Ouais. Peu importe c'est qui, ça change rien. Ça nous dérange aucunement. Non, on est très ouvert. On est prêt. Ah oui, on est. On est prêt. On est très évolué. On est très prêt. On est vraiment prêt. Ça n'a pas de bon sens. Garde tes coudes. Oui. C'est à côté. Mais pourquoi ça pas. Puis là, il n'y a aucun, autrement dit, aucun média dit traditionnel qui a repris l'histoire. Là. Non, personne. Manque des confirmations, ben c'est parce qu'on ne touche pas aux Canadiens. Ben, ça, ouais. L'homophobie, on est là-dedans, donc c'est à mode. Ouais, ils vont dire que c'est parce que c'est des histoires personnelles. Bon, ils savent tout. S'il y en a qui le savent, là, depuis longtemps, c'est ben eux autres. C'est correct. C'est correct. Ben oui, on remarque que ça fait pas. Tu l'as dit tantôt, en tant que tel, même si ça nous titille un peu, ça fait pas de différence. Là. Non, ça fait pas de différence. Un joueur de hockey, là. Ben oui. Faut ce qu'il voudra, là. Il est plus 3. Il finit la semaine à plus 3. Parce que, hey, vite de même, oui. Des photos que je cherche, là, il est pas souvent avec des messieurs. Il n'y a que des babies. Ouais, lui. Mais ça, attention. Là. S'il a fait une conversion récente. Non, mais ça, là. Je vais dire, ceux. C'est peut-être pas lui, là. C'est peut-être pas lui. Peut-être que toute l'histoire est vraie. Une chose est sûre, la Ligue nationale travaille là-dessus. Puis la Ligue nationale elle-même a annoncé qu'il allait avoir un coming out, que quelqu'un allait faire un coming out cette semaine. Donc c'est tout, ça semble tout organisé. À moins que tout ça ait de la merde, là. Mais si quelqu'un de la Ligue tweet de quoi, y'a-tu quelqu'un qui a réussi à pirater le compte de cette personne-là pour monter un canular? Je sais pas, là. Ça se peut bien. Je suis même en train de lire que Josh Georges est sur le bord de devenir père de famille. Il a sa maison, sa rive sud. Il a sa blonde, son chien. Puis il y a Brendan Gallagher comme pensionnaire. Oh! Voilà. Ah! C'est la fin qui est importante. Il va sur Radio Ego. Danny Dubé parle de double pénétration. Ah! Oui. Ça nous intéresse pas. Ça nous écœure vraiment. Pour de vrai. Oui. Ça nous écœure vraiment, vraiment.